Je fais appel à votre sagesse. À la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous. Car vous êtes capable de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Nassima Yaba nomination Oyo, président de la République, a signé qui ordonnance depuis mardi passé. Bandeko Balandi, Boza Komona Lolengenini, Bandeko Nabiso, il y a parti politique, parti présidentiel, IDOPES Oyo, Baboya qui a traité ma Kambona Bango, na famille Neba Lobara na français, était le linge, sale cela ma famille, Bango ba traité qui yango. Na kati ya libota te kasi babima ki libanda bazali kosala effort ya kobuka to kobebisa esika oyo bango basanganaka o babengi parti politique na bango na bino tozali koyeba ete to akomona pe to akoyoka lolenge nini bandeko na biso ya basi na mibali bana mikie ndenge bazali kokufa na este ya mboka na biso Congo ndenge bazali kodeplacer kokima kaka na kati ya mabele na bango pe motuna moko na tunaka na bino bayebulana na biso bipai wapi esika nini to pe lolenge nini mwana Congo congolais akoki kofanda afanda wapi po azala malamu parce que kati na mboka na biso bazali toujours ko maltraiter biso ndeko Martin Fayulu alobi na biso ete Ndeko Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo azali président de la République démocratique du Congo asali haute trahison de balobaka na français asali likambo ya mabe makasi haute trahison parce que azali ko signer ba accord ebele bele bele bele et azolinga koloba na bayimboka te bazali ba kolomboka azoboya koloba na bango ezali ba accord nini bandeko botala bipai wapi tope ezali ba grande ligne ya mususu ya mukolo na lelo na kati ya émission na bino pouvoir ya peuple ezali émission ya bana Congo. Et ça, les missions, ça, les facilités, les Congomani, les Congo, les Oyo les Congo, les ya République démocratique du Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, wana Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les Congo, les chaque mardi, jeudi, Congo, les samedi. Nangonga ya 16h30 na kati ya Central Télévision ezali ba diffusion mukolo ya lundi mercredi vendredi na 6h ezali ba heure ya rediffusion émission na bino na kati ya Central Télévision na sima ya ba caméra nyo ezali ndeko na biso RVMB lazali ko sala musa lengo longobani merci na mwana Congo ba bengi directeur ya programme Eti Kapena azali ko sala musa nenge longobani directeur ya production Verimak Veritas, merci na musala boko sala. Et l'autre yambi mwana Congo, ndeko moko ya société civile, c'est-à-dire bango bazalaka ni pour ni contre. Yazali na société civile, bengami ndeko Babi Lumingu azali ko kamba société civile babengi na kombo Congo mon pays, limbe ko lobana lingala ke Congo ezali mboka na ngai. Ndeko Babi Lumingu mbote na yo. Mbote ndeko Dona Konde Oyebi na sepeli mingi na lokasa na yo kolekalelo koloba pona yekolo na biso oyebi outi ko presente ngai awa na li coordonnateur national ya lisanga o babengi Congo mon pays na lokota lingala Congo ezali mboka na ngai Congo ezali mboka na yo yambo ya kokota na mozindo tika na kanisata segone moko ko kanisa bandeko na biso bako watango nyonso na ese bitumba oye bandaki uta non insiste lelo e oyebi ndeko donatango mosuto ko kanisa to tango tolobaka makambo ya ekolo ekosala biso pasi oyebi na ekolo oyo soki bato bazalaki penza bato bali na makanisa bomoto okokuta bato na nyango te okokuta na kapela te okokuta bato na shaba te parce que bandeko na biso bakowatango nyonso e na yango mpona kokoba na kokanisa une seconde opesa ngai nakanisa bandeko na biso oyo bazokozongisa molimo mikolo nyonso na ngambo ya este ya ekolo merci ndeko Ndeko dona tika to lo basembo oyebi tango to yaka na etando moke linko lo ba ete to yebi koleka baninga te kasi to yaka pona ko basembo ko ba bosolo lolenge ni ekolo na biso ekotambola kofongola miso oyebi outi kopresente nga na ezali mokambi ya lingomba monene ya société civile babengi Congo mon pays oyebi mosala ya société civile ezali mosala ya société civile ezali église au milieu du village lolenge mboka na biso ekotambola ekopesa biso kobanga mboka bakotambusango na nkokoso mboka bakotambusango na yiki yiki. C'est-à-dire, bato bakozwa ekolo, balingi ekolo Congo te kasi balingi misolo ya Congo. Okomona moto wako kwa a détourner misolo ebele, bakomema epa ya bazuzi soa ke epa ya bazuzi sima mikolo. Tokoyoka azwi liberté provisoire. Misolo ya Yambo toko manande ko babi. Tikatolo toko lo basembo, esengele bo tikara tolo basembo. Papa te, bandako ya basoda kino lelo. Basoda 57 millions ils allaient détourner tiro basoda bakola la libanda bakola la sa batapi $9 il y a ratio basoda chaque jour auto tela ki makelele tilelo ezali payé te basoda bakozwa mbongo ya ratio na bango te même gratuité enseignement de journaliste tolo basembo est-ce que bana bakoyekola malamu oyibiso olingo boma éducation ya ekolo est-ce onyo boma avenir ya ekolo sengolo détruire éducation na bino ba patisa ngola boko tamu la insécurité baninga na mingi ba ina boloko bokomi ko banga même akolo basembo. Et sur ces temps tozwa kangonga ko lekane tando moke tika tolo basembo pour le long na lo bakango mingi boboma Kobo makordo babi, toko mande ko babi, ezali ko makongote. Lelo mo kiko bo mangai pona ko basembo, kasi bo mi kongote. Okomona meme na loko na biso ko mo peze, loko na nzete ya mbila. Nzete ya mbila tabo ko kata e kobo takaka. E yango tango to leka letando moke, e sengo to basembo. Ndeko babi, merci beaucoup. Oyanoli malamu na introduction na yo e bana Congo ba comprendre ete ya koloba pende zali mingi mais lelo likambo msupe ya kusala mwa balobi bino bande kwa société civile botambola kali sulo lenge longo banite so kutanika na mokonzi moko o azali na pouvoir pisi mwa lomeya okomika ka koloba makambo pour ye ou bien soko kei na o azali na opposition apesi mwa lomeya o tie na poche okomika koloba ka makambo pour ye mais botala kali sulo intérêt général te population bino pe bakambi ya société civile bakoma pe ko funda bino lolenge wana ndeko babi oui ndeko dona konde olobi lokutate oyebi tokogi okosa mokili mombato molongo mombimba ezali na bato mibale to moto moko na eloko moko bakosa kate zambe o azali na likolo akela ki mokili na se bakosa ka ete et conscience na yo pe ori kokosa ya ngote biso Congo bayi Congo société si bato tozala kati ya lingomba Congo Congo mon pays tobaki ete tozali wana pona ko servir ekolo oyebi ekolo oyo ezali notre bien-être commun esengeli biso to luka bolamu na yango nyonso et mboka oyo bayi politiki bakotisi kokoso esika bayi kokotisa kokoso te ils ont amené le peuple na souffrance moko intense na niveau moko peuple a la droit ko réclamer ba droit na été et puis ba politiser société civile ils ont créé des associations comment la moto so avec mon cosité au comment na la ONG te mais so comme mon konza sali fondation a sali ONG a sali les amis c'est-à-dire ezali complot oyo bayi politique bakuti ko kotsa ba infiltrer la carte société civile bato bazali na ba valeur patriotique te batonga ka mboka na ba valeur batonga mboka na ba titre te na ba kombo te na mboka oto ina ba kombo minene toyoka ba kombo oyo elengisaka toyoka ba kombo ebangisaka mais le problème que nous avons dans ce pays c'est les valeurs et sur ce biso na Congo mon pays tobaki ete to lapa ki sene ka to kosale la peuple to kosale la ekolo pamba tutu zaine ekolo mususu te yango moni tango nusu lobaka ete lisanga Congo mon pays ezali lisanga ya ngai te ezali lisanga ya ba collaborateur na ngai te ezali lisanga ya yo ngai pamba te yo olobaka Congo ezali ekolo na yo ye pe alobaka Congo ezali ekolo na ye esengeli toyeba nani azali Congo mani ya solo on connaît la valeur d'un patriote par rapport ya lolenge akosalela ekolo na ye et sur ce okoyoka mokolo moko te kongo mon pays ekendaki na ngambo ya politiki parce que tokososola ete esengeli tozala église au milieu du village mais eza mabe te soki omoni biso na ngambo ya bayi politiki pamba te bayi politiki bazali mpe bakongomani mais tokokende epai na bango non mpo tokotela mangoma na bango kasi mpo tolakisa bao ntango mosusu lokola bango nde bayekoli to bazwa vocation to mbiangama ya koluka lolenge ni ya kokamba ekolo esengeli biso toaporte mpe bavaler na biso epai na bango ntango mosusu bazangaka bainformation la société civile est au milieu du village toza proche ya population tokomona lolenge insécurité eza na kinshasa preuve ane tote kokotisa mokanda kaka lendi oyo le 14 oyo epai ya mokonzi ya mboka toyebisi mokonzi ya mboka lei na mokanda awa mokonzi ya mboka mpo insécurité ezoyi kowumela na mboka oyo ya kinshasa mokonzi ya mboka apesi akotia misolo mingi mpona sécurité mais sécurité ezoya te nzoka nde bato bayi kosunga mokonzi ya mboka ezali bachef de rue na bachef de quartier les chef de rue sont des autorités plus proches ya population mais baza considéré te yango moni etumba ya kongo mopays ezali ete l'état congolais tokoloba na mokonzi ya mboka te mais l'état congolais parce que l'état mokonzi ya mboka akoleka ezali mandat ya 5 ans après 5 ans soki topesi sous confiance ete akoleka te mais soki peuple apesi confiance akozwa su ebonga mais soki mpo azwi su mokonzi 5 koya kuna akozala lisusu te parce que mibeko ya mboka epesi moto makoki ya kokamba 5 ans mpe akoki korenouvele mbala moko 5 ans lisusu voilà merci ndeko olobi ete lelo bouti kokotisa mokanda bongo parce que insécurité eza mingi na ville ya kinshasa merci beaucoup ezali malamu mais lolenge nini mpe boza koloba nini bino bayeba ndeko ya société civile botala kisasa lolenge bebi kisasa bipai nyonso soki kambula ebeti bama ekomi kotelema kisasa mobimba ekomi mabulu toyokaki na assemblée toyokaki pardon na sénat ndeko na biso azalaka mpe président ya sénat koloba ete kisasa ezali parmi ezali ville ya sali nana mona ville salite lokola kisasa te pendant que no tozali na gouverneur ya ville tozali na bakonzi oyo bazali kokamba ville mais bozali koloba nini mpo na propriété ya ville ya kinshasa bandeko baterase nyonso ebusa bato bakombaka basalite batiaka na terase bokoloba nini mpo na propriété ya kinshasa ndeko konde oyebi likambo ya bopeto na kisasa oyo nakolala te butu moi depuis le 17 novembre 2020 ngai nakomelaka mokonzi ya ekolo mokanda nayebisa mokonzi ya ekolo ntango ndeko gentini ngobila ayaki na makanisi eyakini bopeto nabetaki maboko totondaki yango parce que bosoto ezokopesa biso bokono ebele ezopesa biso tifoide ezopesa biso malaria mais ntango ndeko gentini abandi mosala na ye ngai nazalaki moto ya liboso akoleka letandomge na babike no ndeko gentini akolonga te akolonga te mpona nini azwaki misolo akwi apesi epai ya baburumese baburumese bakwi misolo batie na balili benga na bango nzoka nde baburumese baza loi ya population na ntango oyo nakomi lokola kiseso nandimi te burumese ya kiseso ayebi ata quartier moko mobimba mais les gens qui pouvaient aider le gouverneur pour la propriété qui ne peut être ce sont les chefs de quartier des chefs de rue ils sont marginalisés ba chef de quartier ba gérard rien webi tikana lo bandeko parce que ils ont copé sa kanda et copé sa passe dans motema webi ba chef de quartier kala bazala qui na ba prime présidentielle ba ina ba prime ya province ba ne ko gérer ba marché pirate nyoso ba botola ba marché pirate et comment et pas ba bourgmestre voilà ba prime provinciale ba botola et pas ya gouverneur ba prime ya présidentielle ba privé yango au komona ndeko soki nkombe mobutu que son âme réponse à paix à longa qui sécurité na mboka oyo parce que ndeko mobutu azalaki sima sanza mibale to misato ane kobenga ba chef de quartier baya koyebisa ye makambo bakomona na ba quartier ba chef de rue baza mieux place ya kosunga mokonzi ya mboka parce que bafandaka na bati ya une infiltré na quartier bakodenonce mais nzoka nde baza marginalisé esengeli ndeko gentili ngobila na inanatikai nango azonga nsima abenga ba chef de quartier nayebisaki mokonzi ya mboka le 14 oyo kaka abenga ba chef de quartier autour d'une même table ndenge kondo mobutu ande kobenga ils sont moins de 400 na ville ya kinshasa c'est rien par rapport ya badepute bazwa badrip palissade oyo eyebana esika ewuti te mais ba chef de quartier ne demande absolument rien et les chefs de quartier ont la facilité de gérer les chefs de rue baza la facilité ya kodetecte mais baza na bamoyen ya gestion na bangote ni ko journaliste ya moto ko le la butu moyi mokonza mboka koyoka nane na koloba na sengi ye pardon son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo benga ba chef de quartier à 24 communes à ville à Kinshasa Kinshasa c'est un miroir ya RDC ce que insécurité za la Kinshasa mboki ko za pena insécurité bopeto o to koloba Tomona ki ndeko gouverneur, vice-gouverneur, aleka ki na komina Bandal, maya mi se bimiye. Voilà. Atombo kaki. Bandal ezali komina moke kaka koleka ba komina ba selema ki senzome. So ki Bandal o ezali ba komina na centre-ville e ali bo soto bo ndeko journaliste. E bongo ba komina ki senzo. Bato bako ede gouverneur de la ville, ezali ba chef de quartier. Gouverneur azonga asala état de lieu, a... Kini bo peut tout échouer. Abenga ba chef de quartier, appelle ça bon gestion. Il y a ba quartier. Et Armando Rosala Mila mensuel, il va voir que bo peut te causer dans la Kinshasa. Parce que chaque chef de riz a commandé pour contrôler salon la quartier. La quartier n'a pas na avenir na. Bala bala na yo, ba copé sa convocation. Na yamo même na singi mo konzia engumba oyo. Na komela ki ndeko chantini ngobila. Na komela ki ndeko présent assemblée provinciale. Oyebiso ki chef de riba zongi si bango même na batrua na bango to kola ki na mboka o ki sa sa ndeko journaliste. Kalezala ki soko sali salon mote chef de riba kopé sa convocation. A kopé sa convocation, oke ndeko se présenté, oui. Oko futa lo mande, oko tinda omba la sima o sala salomo. Mais le lo, baboto la bango bo konzi bonso. Baza sous nati nate, bakoma baki pokala. E yango moni le lo, fote ezali à l'état. L'État a koyeba ko utiliser batunayete. Ba chef de quartier, ce sont des agents de l'État. Les bourgmestres, ce sont des agents de l'État. Or, ba bourgmestre, bazali na makoki ya kosunga, mokonzi ya ngumbate. Ndeko gentilo koyoka ngai le lo na koloba. Benga ba chef de quartier, pesa bango ba moyen. Zongisela bango ba prime na bango provinciale. Mokonza mboka, pesa zongisa ba prime. Présidentielle, bon père, ça m'a marché pirate. Natamo na kisa sa oza mon pensi sa mon nene. Tamo na kisa sa mon bureau de quartier, msusu. Ezata na biki ya koko melate. Ezalite. Ezata na papier ten de ko journaliste. Ozo kota porte ezate. Mais au kota la batoba ko kwa ba milieu à l'état. Moto moko akwi milieu à l'état. Si ma mikola ko kota boloko, toyoki ya zui liberté provisoire. A kota mwana na kisa sa, oyo ka kombi ko sala masanga na ko sunga mo konzia. Ndeko babi lumingu, merci beaucoup parce que. Mbela ozaliko bele la penza eko la kisayete bayi Congo bako tala biso na ngonga oyo na television centrale television pe na nzela ya YouTube bako tala biso na nzela ya tout info bako sepela na biyano na yo meto longana no kisasa to betana lisolo ya Congo mobimba ndeko babi lomingo zali moko ya bakambi ya société civile bande kono ya basine ya mibali bako kuwa bako kufa ka mikolo na mikolo na est mboka Congo to te ko mona dernièrement awa ndeko na biso uru Kenyatta ya ki awa ala ko sona mokonzi ya mboka asali ba séjour ebele bele awa to komi wapi pona ko check kimia na parti moko ya est ya mboka na biso Congo to komi esika nini pe kimia ngo kokota mukolo nini ndeko konde esengeli ba kongomani ba yoka na ilelo e passe na motema tango mosusu e na kolala te mabanzo tango nyoso kanse kolo parce que tozan ekolo mosusu te Oyebi ekolo moko te balonga bitumba na bapaya. E okomona mikolo eko ya na kusenga bakungumani banso esika bazali et tokosala ba pays morte, ville morte te pays morte. Pays morte. Na pays morte wana destination na biso kozene ke na ba institution ya impérialiste tokokene na ba communauté internationale pour le dire non et non. Le lo gouvernement kosunga biso te armement to arme ya makasi gouvernement za na ngweza le peuple congolais okay. Bato bako wa kuneza ba congolais Kenya ta iko sala ba vantir ndeko journaliste ayiko sala ba vantir mokondi ya mboka pesier litoi ya pesier occasion ayiko sala ba vantir ndeko ko de tika to lo basembo to tika kokosa ba kongomani mbala mingi ba paya wala ba ki ko même so ba dialogue ba renoua minene minene le peuple a se retrouvé na eloko mokote au contraire peuple congolais ako wata ngonyoso bila ya katasope ya liwa ba kongomani ezali ba naso ezaba naso mubimba ezali ba ekolo mibimba de gauche à droite oyebi ndeko Kenya tayi kokosa biso awa ayo kokosa biso tika lo basembo oyebi totanga mibeko mobeko likunzi na article 215 ya constitution barbi les traités les accords internationaux sont au-dessus de la loi c'est à dire ça likolo ya mibeko ya constitution ndeko Kenya taba ira makansa mabe na communauté internationale toke ndeko fonda na Kenya toko fonda na Kenya ba partie prenante ya li gouvernement congolais o biso ba ikolongoka toko le la tango nyoso toko kufe la tango nyoso bazui ba tomboki ba rebelle na ba génocide bazui na ba mboka o eza pene pene na biso Rwanda Uganda o bazali complice les partis prenants toke ndeko solo la nzoka nde mikolo oyo kaka ba politiciens congolais ba koyoka ngai batika escroquerie au-dessus de la nation. Bah aussi qu'on vote mon bec on a parlement. Mon bec on va voter bah oui qu'on brasse. Les sous bah soldat bah oui qu'on mixe les sous sous terre. Zokande ouais les amis mon bec on lico mon bec on a tué colo. Mais mon bec on sort bah qu'on sort là bah corps na Kenya et zali koleka bah qu'on y a tamis bec ouana. C'est à dire brassage est invisible. Y a moi la signe mon conseil en boca. Il faut qu'on évite les gens qui ont la ménopause intellectuelle au sommet de l'État. Ou bien ceux qui moi ça dans la ménopause, à quoi ils peuvent produire les sous-soutés. Même dans ma nalibala et azasou na chance à rejoindre libala malongate. Motosso dans la ménopause intellectuelle, il ne peut plus réfléchir. On donne la gestion de l'État aux gens qui ont atteint la ménopause, c'est très dangereux. Est-ce que Kenyatta est venu nous distraire? Vous savez, les Kenyans sont des nilotiques. Voilà. Bato bako tunisa biso kuna baza souba nilotique. Papa, yo mona motoa bomande konaye. Et signez-le, parce que les Congolais ne sont pas en train de se faire. Ce qui est un dialogue entre les Congolais. Dialogue est permanent dans l'école, dans la carte de Libota. Il y a un dialogue. Ce qui est un dialogue, il y a un dialogue qui est un dialogue. Parce que les Congolais sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Le local est en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Donc, il y a une petite procédure. Je soutiens les chefs de l'État. Donc, il y a une procédure à guerre. Makambo ya diplomatie na makambo ya politique on a commencé ça bandaka la ndeko journaliste peuple akowa tango nyoso na yebite oza mopansango monene na mboka oyo nazo kende ko fete na bandeko ko fete te ko manuela le 31 na le 1er le 31 décembre na le 1er janvier na kozala na goma soki okazwe kozala na komema oto kende omona ndenge bandeko na biso bako soufi na nord kivu na sud kivu mais lelo oko bisanga to kende na Kenya to kende ko sa ni pas ces pas biso bande ko ya monesco ba ekolo nyoso ba kenda ba apporta solution te ndeko journaliste na ko peso e ya no moko kaka sikoyo bande ko na biso ya Mali voilà boni bande ko ba français tango e relation e kufi ba ko panzana ba mituka o ba yaki nango c'est à dire ba linga ka biso te ces impérialistes Kenyatta ou Kenyatta ne pouvait pas apporter un plus dans la solution de notre pays. C'est les Congolais qui doivent donner la solution dans notre pays. Na kopesa onda kisa. Tokeina ona oya awa avec facilitateur étranger. Ona ki nenge to sukaki oya na 2016 nenge to sukaki. Mais tant toke la Saint-Sylvestre banganga nzambe ba kongomani ba kambi biso et meme ki biso na élection. Voilà. Pour dire que non, nous sommes capables à plus de 60 ans de prendre des décisions nous-mêmes. C'est l'irresponsabilité à l'État congolais d'aller prendre un étranger, de venir nous donner la solution pendant qu'on a des professeurs d'université ici, on a des éminents hommes de Dieu ici, et ça m'étonnerait. Ndengo lobby parce que nazali ko enrichir kaka idée na yo, lobby que osali pour que notre dialogue salama entre les Congolais, puis osali pour la guerre, l'autre moni likanisi moko était ndeko Martin Fayulu, les ali communication oyo. Ndeko journaliste tikalati na silisa, sikala le koloba. Na silisa mutuna na ngai. Concertation nationale mokonza mboka asali saki. Moi j'ai écrit au président de la République depuis le mois de juillet 2020, na bisaka mokonza mboka benga bayi kongomane liboso ya mesa. Na pesa kai ba condition. Na bisi pona nini? Okobenga bango premièrement po ni a ko changer ba animateur ba institution. Deuxièmement, au pouvoir accompagner la procédure, va accompagner la mandat là. Deuxièmement, il y a en place une CENI responsable. Oyo mon konzambo kasai, c'est mon cahier de charges. Et ça cahier de charges à Congo mon pays. Mais quelle est la part de la nation au Congo mon pays? C'est-à-dire on devait être les constituants déjà. Ceux qui ont union sacrée et Botami, la maman de l'union sacrée, c'est Congo mon pays. Nous avons des preuves. Que nous qui avons demandé au président d'initier un dialogue patriotique pour amener tout le monde autour du même table, pour ébander le Congolais qui a repensé de gauche à droite depuis le 20 juillet, mon conseil au sein dialogue dans novembre, pour dire que non, à Yokaki Mbela la Bisso, mais Mbela moi Yokaki, Bisso Toyaki na Makanisi, on devait nous inviter de faire les bonnes offices. Mais le cola, dans l'école Oyo, solo top sembo bako kunda yango kaka metika na ebisa bino ndeko journaliste pele ebisa ba kongomani mwinda babomba ka yango kaka te tokolo bakaka sembo ata ko babomi lelo ngala banga asuli wate ndeko journaliste oyebi na za mo Kristo na ebisa kango bato banso na za mo Kristo mo konsta biso to landaka Yesu masia la benga biso les siens bien du sommeil mais la chair est faible mais ngai na bakisa ngai ndeko babi l'esprit est bien disposé la chair aussi est bien disposée ata lelo babominga est pour moi pour l'intérêt de la nation. Mais Moutou, Otomoni a facilité à Pessi communiquer que Ezaline de Martin Fayulu Bandimi, Kokutanan de Kofé, Tiseke, Ezaline de Konabiso, Olengankoi, de Moutou a facilité Lokoana, et Bino Congo, mon pays, Bozali, société civile, Boko Sala Kamakambouni, pour Obikeza, Eza Kaye de charge Nayo. Qu'est-ce qui prouve que Ezali Kaye de charge y a Congo, mon pays? Neko journaliste, je crois, na ABCO, j'ai demandé au président, si j'ai dit nous avons demandé Congo, mon pays, au président de la République, depuis le 20 juillet 2020, okay, d'initier un dialogue patriotique. Et le président est arrivé à exécuter ça au mois de novembre. Makambo tokomaki na mokanda, yango ne mokonze kolo asalelaki. Ok. C'est-à-dire, on a dit ça. Et l'Inkoloba était notre pierre, était une pierre importante. Donc, on sait que l'on va conditionner. Tu as dit que tu as fait un poste ministériel. Au moment où tu as fait un poste ministériel, au moment où tu as parce que vocation la ngai na zéna ngai zali ko lobe la peuple. Et si la moni ma bezali na lobi semo. Neko lobi neko olenganko ya yosa la facilitation. Papa, neko olenganko yo koloba awa. Ils ont fait ces facilitations combien de fois? J'ai produit Neko Martin Fayou, c'est une bonne idée à cause de Galobo que pas Mokonzamboka. D'ailleurs, Mokonzamboka, c'est un groupe depuis Kala. Entre les Congolais, ils peuvent dialoguer à tout moment. On n'est pas des ennemis. La politique, ce n'est pas un circuit d'ennemis, mais c'est un circuit y a ma diversité. C'est-à-dire, on est des adversaires d'idées. Sur le fondement idéologique, mais on n'est pas des ennemis. Alors, et loco, éco. Mais ma biso ba militant ba comme benemi c'est parce que nos partis politiques n'ont pas de partis suffisamment équipés. Okay. Parti politique faut et fois ni ça suffisme et c'est ngai ba ko indiquer ba to la bango au moment alelo ba to partout ba ke ko buka parti wana ba to partout ba ke ko tumba ba piné ba to partout. Un politicien doit être bien éduqué, bien instruit. Mais bazali ka ko peut être ko revendiquer ka ba droit na bango ne bazali ko revendiquer. Ndeko journaliste tika to loba tango bayi kongomani batombo ki ne ba ko mwa batola mba ko bomba ndeko na biso. Vous savez la constitution nous dit quoi? La personne humaine est sacrée. To telemi to kene na est ko to kontati na Rwanda gouverneur a telemi le biso pe ape kisi. Mais pour na bokonsi ya monde faut que ne rebuka pe ko tumba exercer les problèmes c'est quoi? On n'a pas de parti suffisamment instruit. Ce sont des magablos. Voilà. Na ko tapeka direct bosenga ki peut-être ma poste na kati na ministère te parce que par rapport ya cahier de charge bo pesa ki pona dialogue ko kuta na ya baimboka mais l'autre moni est-ce que ordonnance oyo et outil qu'on engage ba mandataire na kati ya ba entreprise publique tout soit ba entreprise il y a l'état to moni ba Transco to moni ba Onem to moni ba entreprise belé ba tu ya sika ba koti ndenge nini pe lo lenge nini bino société civile bo moni nomination wana ezali nomination moko esalami malamu lo lenge singela ke salama toza nomination moko boye esalami na ba deux poids deux mesures. Oui, nos journalistes oyebi nomination pour la bise zali lo kwalongo ni akobeta maboko parce que ces entreprises ayi ba ganar kwate. Mais pas ces ali à la esika ko nommer ba homme qu'il faut à la place qu'il faut, on a familiarisé la gestion des restes publics. Yango moni to moni ba ne ko FDC ba ko revendiquer na kati ya famia mokambia ekolo na bango. Une personne que j'aime beaucoup, Neko Bati, j'ai salué à pas ça, mais j'ai regretté abondamment pour Aouta Kepe et Panabiso, à Zalaka la société civile, d'avoir mettre à la place de mettre les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, il a mis presque les membres de sa famille biologique et élargi. Et au Kola Gisa était, jusque-là, le pays a un problème, le pays est en otage. Le peuple congolais est en otage sur ce. Na kosenga mikolo koya toko bwa kambela toko sala ba marche pacifique ko ebisa ba kongomani bazali n'esclavage pa ba nikola bango ba kongolais toko mona même ba nikoba ko tsama keli na M23 ba kusaza ba kongolais de père de la mère ba ko boma ba kongolais ko boma yo kanisi ne ko journaliste ko mamtesa ka ko beta masasi. Bato bobundi na bango ne tumba boyoki na bango pasi bokomi na suka esika sengeli bokamba bato bazali na makoki ya kokamba bazali bozibana na bino bokwi botie na nina na baposte tomonaki mikolo oto leka bato badeklage pa ndekola biso plus babulu wana na ye oyo abomi RTG ya bapese su azala DGA na entreprise a l'etat entreprise privée akoki yango te ya moke mais bopese mosala monene c'est à dire ndeko journaliste na kosenga na mokonzi ya mboka il doit mettre une équipe des orientés pour identifier faire une étude ministérielle à ta bako sala ba partage à pouvoir mais tout comme bako kabula partage à pouvoir parce que appelle ça mais tous appelle la guerre kunat ba pesa pe na union sacrée chaque parti pe ça nombre ya ba militant la yo ba ke ne musala sona ba ke ne kobunde la paix kolo c'est à dire bango ba ko se pela ka ko kwa mbongo ya l'état ko zo ba poste o misolo ezali ko tsala mabenga na bango ko tonga ba immeuble ko komisa mboka ba bien privé na bango et sur ce j'ai dit le peuple congolais et en otage par ses compatriotes. Voilà, peuple congolais a sali en otage na ba compatriotes na ye. Alors mais lolenge ni tokomona ite IDPS ndezali ko kamba mboka oyo. Mokonzi ya mboka autaki na parti politique ya IDPS, mais après juste ka nomination na ye, tomoni lolenge nini bani ko na biso ba militant IDPS ba ke ko saccager parti politique na ba pour dire que non, bazali contre bazali ba sepelite na ba nomination wana parce que ba tumususu ba bimi ba tumususu ba bimite. Tango déjà bango moko ba o ba comme exemple, que non, ma gouille est comme ça, la macuna bino bato à société civile pour comprendre ni par là. Et les lots beaucoup plus abusé raison. Les lots au ébineco journaliste tikana le bande de et tant au toko le bas était le parti politique doit être ici la formation. Ma partie au toko mon abazana. Ma département formation idéologique. Ils n'ont pas bayebi la nationalité, bayebi parti politique. Il y a une différence entre la nation et le parti politique. Le président de la République, lorsqu'il est élu président, il n'est plus membre d'un parti politique. Il est le président de tous les Congolais. On va voter qu'il va voter qu'il est comme mon conseiller Bangou. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de nommer seulement les gens du PPRD ou de l'IDPS ou du PALU ou de l'ICD. Toi, il y a parti son mot. J'ai dit, mon Konzamboka, il est le président de tout le monde. Il va nommer si la méritocratie, il aura besoin des gens qui vont lui accompagner pour atteindre ses objectifs assignés. Oui, tu votes à mon Konzamboka dans un programme. N'aille ça là, n'aille pas si tant mon Konzia échoué, n'aille pas comme moi, comme ma boko. Donc, en étant au Yoko Beta ma boko, si quand mon Konzia échoué, tant au Yoko Zabo Konzo Kobandelawana. Voilà. Le projet, c'est pour la nation. C'est-à-dire, tant que mon conseil qui a un programme, c'était pour son pour lui. Mais tant que l'équipe programme, on est comme il y a écolo. Bandeko ya IDPS, d'après ce que j'ai dit, Kabouya, je l'ai salué en passant. Bakote sa département éducation civique na parti. Il doit enseigner les militants qu'il y a une différence entre la gestion des républicains et les partis. Et le président n'est pas le président. Le président de la République n'est pas le président de l'IDPS. Il fut le président de l'IDPS, il est le président de la République. Il peut nommer dans son mandat à sa membre de Mokwa IDPS mandat domicile. Ce n'est pas aussi un problème. Parce qu'il doit nommer là où il va tirer les bénéfices pour l'intérêt des républicains. Et sur ce, c'est vrai, nomination, on a critiqué, il y a des coteries, il y a le tribalisme. Voilà. Il faut que ça l'effort dans la nomination, il y a mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Parce que le fait de nommer, parce qu'il est, parce que c'est, et il y a un peu de monde, tout le monde est trahi même mon peu car il y a un peu bomona ki a bakangi mokonzi ya protocole mokonzi ya mboka oyo a jeraka mokonzi ya mboka a jeraka rnr kolia a jeraka bato bako yambaye a jeraka même libota naye tango bayaka pa naye babika sa complice akosolana bato mboki ni banda pona coup d'état, c'est-à-dire ndeko journaliste, même le président de la République, il doit chercher des gens fiables capables pour lui aider. C'est très dangereux dans une nation si la corruption, si la tricherie, si Batombo qui bazara Banguna bazara 4 y a sommet à l'État. C'est-à-dire, le président de la République est exposé, on peut le tuer à tout moment. Et sur ce, je demande aux vrais hommes de Dieu, pas hommes de Dieu, pas pétage. Mais oui, tout ça, comme moi, ah ouais. Les journalistes, Oyebi, Lelo, tout ce qui se passe au pays, Oyebi, Lelo, car ils ont dit qui attendent mon politique, qui attendent mon honneur. Mais maman, comment on a pas la mission dans la monnaie, je suis bien au presse. Je suis bien au pao. Il devient, comme autrement dit, un terme vulgaire, maître sans sauter. C'est-à-dire, mon spasa l'anze, comme il faut que je me dise, c'est un poison, que les cacoutes baillent politique. Kasi na yango nde na bakiso sumo tuna oyo pona koloba ete moko pe abasi na Nzambe ya mboka Kongo asilaki kopesa koloba ete Nzambe alakisi ye na vision to pe na prophétie que ezali na bakami misatu ya ba ekolo ya Afrika to ya ba ya Afrika de l'Est, il y a les trois présidents au bamoni tout autour d'une table et li solo na bango zeleka pona koboma mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlo prophétie wana, est-ce que ezali peut-être ba fuite ya information ou bien réellement, ils allaient prophétiser, nous amener nous allaient au Kébissa. Nous avons dit que nous avons bâti une escroquerie virtuelle. Ah bon? Nous avons bâti une escroquerie virtuelle. Nous avons bâti une escroquerie virtuelle. La prophétie de ça devient comme commerce par Bakongomani. Moi, quand le bac a mon consambo car ça l'a désanté le 4 ans. Mon consambo a aussi sa mandat. Tout le cas qui a mis penser les bétano. Au début, ce qui nous a mal dit i. Et tika la ka i. Et tika la bon. On t'a dit qu'on changeait calendrier en Zambie à Zate. Et sur ce, Batika Bavanti n'a beaucoup côté mine à mon bois à la Zambie. Batika Rosala Bavanti n'a combo en Zambie. Malembe, malembe, ne kobabi, lomingo, to comme yoke, ne pona kope sa revoir, na baimbo, kabako, la nabiso, balobi. Ah, mais mission kakasiko et bandi, na kolo banavino, te makamo malam, ou me la karate. Tozako kotokomiko kende na fin de l'année, soit na bangonga ya ba fête. Alors, Kimia ezali na mboka te bana Congo to mona kana ba fin de l'année balela kaka biloko e mati biloko e kitite biloko ezali te, est-ce que bozui ata mo disposition te bino bayi société civile pona déjà ko prévenir que na mois ya décembre moi biloko e me campé ma social e me campé ko kita pour que non bayi kongonya so bayi ba pe ya ko lia pe ko mela malamu na talo moko o iko sala malunga. Oui, nous sommes journalistes, nous sommes tous les gens qui sont venus à l'école. Et nous sommes tous les gens qui sont venus à l'école. na zape na la réponse à copé ce sika wala te. Bino boza na idée à copé ça ba konza ekolo te bino ba sipane ba société civile. Ko kamba ezali ko prévoir. Gérer c'est prévoir. Il doit prévoir. To monaki mbule uté ko le kaba prometer ba to ba soso donc je vais pas entrer dans profondeur wana pour donner l'espoir au peuple congolais que j'aime beaucoup, que je pense beaucoup na la kana makanisa ba kongomani. Alors lelo lingomba mobimba ya Congo mon pays bozali ko sala nini soit bozali ko bongisa nini bino ba société civile ya Congo mon pays ba yepe ba ko landa biso ba na pe na pour ça comprendre to mutango azali ko bete na biso masolo azali ko dénoncer azako lo ba vérité boy. Alors lisanga ya Congo mon pays dans l'ensemble nini bozali ko bongisa ngonga oyo ezali pe ko tambola lolenge nini oyo binde ko journaliste lisanga nyoso ezalaka na mibeko Et Tozali na statut na biso na phrase elle bosso abi la RDC notre bien-être commun par laquelle nous devons tous chercher son développement intégral. Et tout mon abisso ezali ko lukaka développement ya Congo. OK. Développement à tous égards yango ne tout mon abisso. Mais tout mon abino ezaka pona ko luka développement ya Congo mobima. C'est-à-dire tantôt ko luka développement dans le développement il y a l'absence de tension psychique, d'égalité. Nobe ko amboka soko tenge mo be ko likunzi et pesi ba kongomani bo somi makasi. Mais ba kongomani ba ko vivre ta 1% la honte. Ya retourbi et tout mon abisso ali l'état de droit. Mettre des valeurs patriotiques à la place communautaire. Et le tout monde a battu nyoso bazali ko soutenir FARDC au bazali na franc bazali ko bunda po na Congo yo ki me monana bino boku kanse makanse bino zali nini po na bande ko FARDC oui ko soutenir FARDC ezali incontournable tant nyoso butu mo to ko soutenir FARDC et to ko sambela po na bango to ko luka ba mécanisme yango mo me bande ko na biso bazana goma ya Congo mon pays ko to le kabasele collecte ya ba vivre na ba nove po na inotique na ba soda c'est à dire biso tozali sima FARDC à 100% ce qui moto miki ko lomola 0,1% on est contre lui pas n'importe qui voilà ce qui miko lomola 1% même 0,1% la soutien FARDC on est contre toi voilà attends 1% ce qui miki ko lomola yango pour la soutien ya FARDC bandeko ya Congo mon pays o bazali bandeko société civile bazali pour na yote c'est-à-dire ba kopesa yo mon Congo bozalaki tellement ebele ya kolanda emission mon kona lelo na katia centrale télévision na rappeler rabino te article 5 na constitution et pesa ba imboka biso petit peuple article 5 ya constitution et pesa biso ki bokondi ke la souveraineté appartient au peuple. Ba imboka ozali mwana mokie, oleki déjà 18 ans, ozali na ba ide, ozali na makanisi, ozali na makambo ya koloba, plateau ya pouvoir ya peuple yango ozali, tous les chaque mardi, chaque jeudi, puis chaque samedi, na ngonga ya 16h na 130 télévision. Toti ka kofinga, mboka moko te tambola malamu parce que bato wana ba finga ka mingi. Aussi au fur et à mesure tozali kofinga ba kondito, kofinga na biso mboka ezali ka kokoya boy, mboka ezali ka kokita parce que to kozanga ba valeur. Mais tant que to luka ba valeur au moment la keno ba ko respecter pe biso na libanda pe ya Congo. Ndeko babi lumingu, merci beaucoup pour la disponibilité na yo. Na banza yo to komi na suka ya emission ya biso mukolo na lelo, ezali pe mukolo ya liboso te ya pe bala ya suka to le kana plateau na biso. Alors pour na emission ya lelo, oki koloba nini na ba Congo yo so o balandi yo na plateau na biso. Oui Le balanga souka na kosenga ba kongoma union so soutien à 100% indiscutable incontournable ya FARDC et puis kosenga ba ikoma union so ko soutenir aussi mokonzi amboka par rapport ya engagement pe détermination na ye ya commettre fait ya Bitumbala Est na pesi mote na fondation j'ai konde pe mo kamina union so o atumwa bazalaka na biso na bosanité mama mimi tumba o ya kompanya ka kongo mo pe ya tumuma na ba ikongomani banse sika bozali na pesi mote pa bande ko banse ba ina ba zone ya conflit toti ki binote on est avec vous bande ko ya goma le 31 décembre na le 1er janvier na bozala na bino na goma et koya ko réfléchir ensemble na bino na sengipe pa ya coordonnateur provincial ya Congo mon pays na Goma azala toujours engagé et puis ko senga sécurité na ena Goma gouverneur Général gouverneur a sécurisé parce qu'il est combattu. Na pesi merci baya bino ba panzi sango malamu. Merci beaucoup. Vraiment na faveur pe grâce au pesi nga ko le kali suspona ko de la ma et matali ko lo rabiso na bi que ezali mbala ya sukate dans nos sous dans la poste na ko na ekolo na koza na za disponible kasho ke ezali pour na intérêt personnel wana nde je serai indisponible. Merci Ndeko Babilou Mingo, merci pour la disponibilité na yo, merci na lolenge oyo bozalaki tellement ebele liboso ba itondo ike na bino na kolanda biso na émission na bino pour voir ya peuple ya mokolo na lelo. Bon continue à s'abonner na kati ya tout info zali télévision oyo ilukaka toujours ba valeur. Mokolo ya mardi, jeudi pe samedi zali ba mikolo oyo ya diffusion pe lundi, mercredi, vendredi zali mikolo ya rediffusion. Hervé Mbela zalaki liboso ya alaki na sima ya ba caméra. Hervé Mbela a rassuré technique Hervé Mbela Sasaki Biso et beaucoup de choses toujours pour l'émission à Bino dans la piscine Bino Mbote Tokutani Balasima Kaka Awa. Merci. Je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous n'imaginez. Unissons-nous car vous êtes capable de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.